1987, les Allemands de Pink Turns Blue sortaient leur premier album suivi de 5 autres jusqu'en 1994. Puis après 11 ans sans activité studio, Pink Turns Blue renaissait en 2005. Mais pour le moment, on revient en 1990. Eremite, peut-être pas leur album le plus abouti, mais ils nous offraient un titre qui retient toute mon attention ce soir. Ça s'appelait S-Day. Et en 88, Pink Turns Blue sortait Meta, album dans lequel Your Master Is Calling est un titre qu'il faut absolument écouter, car pour moi, il préfigure clairement leur dernier album sorti en 2021, Tainted, avec notamment Never Give Up, à ne pas confondre avec le titre piste 3, I'll Never Give Up. On écoute donc Pink Turns Blue, Never Give Up. We're about to be humble right now. Pour être clair, je pourrais ce soir vous envoyer 16 titres de Pink Turns Blue que j'espère voir à Zurich avec Nida et Matze en novembre prochain. Mais ça, ce serait un acte plus qu'égoïste, alors puisque je parle de Matze et pour attendre la sortie de leur nouvel album, écoutons l'histoire de Albert Roche par Raskolnikov et ensuite nous reprendrons le fil de notre 225e Pop & Rock sur la très locale RVR. We'll be right back. Vous le savez sans doute, sur RVR, vous pouvez profiter des missions musicales de Pop & Rock à Radio Zinc en passant par Backline, l'émission de DJ, notre partenaire idéal et découvreur de talents, qu'ils soient émergents ou pas. Ce soir, je fonce sur Belphegor's et son Did You Bring Your Mass Max qu'il m'a envoyé. Vous avez aimé, tant mieux, puisque voilà Kill the Pain, second titre du soir des Français de Belphegor's. Nothing is really real. Who killed the moon? The moon on the hill. Today is not today. My spirits run away. comme DJ a toujours plein de groupes dans ses réserves, il nous propose aussi d'écouter Kill the Princess, groupe français, alors on profite de leur dernier titre, Inanimate Toy. For poor behavior, only when I say being a dick is no human nature. You're so good at it, we couldn't even think that you were born this way. Born this way. Just to say it, but you keep blaming you did it yourself. It's just become sizzling hot, a plague of all your dirty thoughts. Voix féminine très rock, cavalerie de guitare et batterie à fond, c'est Kill the Princess sur RVR dans Pop and Rock. Sir. Pour ceux qui n'ont pas compris, Kill the Princess, c'est un groupe français 100% féminin, à la puissance rock sans conteste, sur qu'elles reviendront nous voir dans Pop and Rock. Mais pour le moment, retrouvons des habitués animés par le Billy Corgan, qui ce soir se la joue acoustique ou unplug, comme on dit. We'd like to do a song by Thin Lizzy. I'm related to Phil Lynott, so it's okay. Smashing, c'est pour moi une œuvre riche et multiple. Billy Corgan est toujours au cœur des Smashing, et même si ses différents projets, surtout les plus récents, sont décriés, perso, je reste curieux de voir les chemins tortueux de l'enfant de Zero et de Elk Grove Village. I'm Ça, c'était encore les Smashing Pumpkins avec Beyond the Whale. Sinon, si vous êtes de vrais fans des Smashing Pumpkins, le petit truc qui arrive devrait résonner. Ça résonne ou pas ? C'est clair, ça résonne fort. Pareil que pour Pink Turns Blue, pour les Smashing Pumpkins, je pourrais emplir toute notre heure pop and rock'n. Eh ben, vas-y ! Écoute, merci la voix off, mais on a un cahier des charges à respecter dans pop and rock. On se doit à nos cadavres exquis du rock. Et parmi ceux-là, voilà longtemps que je n'ai pas convoqué Agora Fidelio. Croire que l'on a 20 ans, à croire que l'on est seul, lune pointait vers le ciel. Les couleurs, c'est beau ce qu'il en reste. Je veux le voir. Je voulais voir Barcelone, Peter. Je voulais voir, je voulais voir. Je voulais voir Barcelone, Léa. Je voulais voir les églises. C'est beau ce qu'il en reste.

Ce soir, il nous manque un petit peu de temps, j'avais prévu de vous présenter Clinic Rodeo, qui est le troisième groupe, que DJ m'avait envoyé. On n'aura pas le temps de le faire ce soir, on le fera donc la semaine prochaine avec qualité. En attendant, on va se faire un petit animal triste. Cette fois, c'est fini pour ce lundi musical avec Pop & Rock sur RVR. J'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit, au 104.6. On se quitte avec En Arrière, là, que vous entendez, c'est Animal Triste. Et moi, je vous fais comme chaque fois, avant de vous quitter, une bise à tous. My sweet Lord, will you help me leave the darkness?